France. Et Artstyle. Retrouvez la nouveauté de la semaine et le flashback. Tous les samedis à 22h, c'est Club Sensation avec Davy. Merci d'avoir choisi Fadjet, 20h. You can't touch this. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission dédiée à l'humour sur Fadjet Rock'n'Roll. Nous allons faire en votre compagnie un petit tour, alors une fois par mois bien évidemment, dans le doux monde de l'humour, des sorties possibles. Nous serons accompagnés d'invités, on en a un ce soir. On vous proposera des quiz loufoques, comme à l'habitude, des billets drôles, on vous contera même des jolies histoires culinaires. Nous testons, essayons, expérimentons de nouvelles rubriques chaque mois. Encore une ce soir, à vous de nous dire sur la page Facebook et la page Rock'n'Roll, si on garde ou pas. On a tout jeté depuis le début. Mon acolyte pour ce rendez-vous radiophonique mensuel est l'inimitable personnage comico-cynique Bertrand. Bonjour à toi, Bertrand. Ah bah attends, bah bon sang, on ne m'entend pas. Bah voilà, ça y est, je t'ai mis le micro. Alors oui, ça y est, je m'entends. Bah je vais bien. Tu vas bien ? Ouais, et toi ? Tant mieux, bah oui, je vais bien. Et donc aujourd'hui, on reçoit un invité, et c'est David Masson. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Alors, on est très heureux de vous accueillir. On va pas tarder à vous inonder de questions d'ici quelques minutes. Ça marche. Au sommaire de cette émission, dans un premier temps, on disséquera nos invités, bien évidemment, on le fait toujours. Ça, c'est Bertrand qui s'en charge avec ses couteaux de cuisine. Dans un deuxième temps, on testera vos compétences dans le domaine de l'humour, et on embarquera aussi à bord du paquebot culinaire de Bertrand. Belle intro, non ? Ah bah écoute, c'est classe. Hein. Et beau programme. Ça promet. Ça promet. Alors, je le disais juste avant, David Masson est notre invité. On a un invité chaque mois. Aujourd'hui, David, donc... Alors, c'est multicasquette, hein. Tu appartiens à la compagnie Bulle de Rêve. On pourrait commencer comme ça. Tout à fait. L'histoire a commencé quand ? Il y a 10 ans, je crois. Ouais, c'est ça. La compagnie a bientôt 11 ans. Compagnie Bulle de Rêve que j'ai montée avec mon frangin, Loïc. Oui. Et on est tous les deux directeurs artistiques de la compagnie. Et on est spécialisé dans le jeune public, notamment. Voilà, on tourne dans les écoles, le maternel, primaire, dans les crèches, dans tous les lieux où il y a du spectacle jeune public. Et à côté, on fait des spectacles pour adultes. On a notamment un one man qui tourne en ce moment, dans lequel je joue. Et puis on travaille avec d'autres compagnies sur de la créa, de l'écriture, de la mise en scène, sur plusieurs projets. Alors vous venez d'une formation des études des arts et du spectacle ? Ouais. Alors comédien, auteur, metteur en scène, multicasquette, aujourd'hui c'est vrai que c'est important. Et finalement on compte sur personne puisqu'on peut tout faire. Ouais, c'est un avantage, à tous les deux on a plusieurs casquettes. La comédie c'est tous les deux, la mise en scène tous les deux, l'écriture tous les deux. J'ai après, lumière, mon frère, la musique. Ouais voilà, mon frère fait de la lumière, de la musique, il fait de la régie. Moi je fais de la danse aussi, j'ai été chorégraphe aussi sur des projets. Donc on est autonome. On fait nos décors, on est entouré d'une toute petite équipe aussi pour faire nos costumes et nos créas mise en scène, scénographique. Parce que vous êtes combien dans la troupe Bulle de Rêve ? On est que deux. Ah avec oui, d'accord. Mon frère, ouais. Et après on s'entoure de gens en fonction des projets. Mm-hmm. On a une personne qui nous aide pour les décors surtout. Une couturière pour les costumes. Et après on s'entoure d'une petite équipe parce qu'on a donné des cours. Enfin, j'ai donné des cours pendant 13 ans de théâtre. Et du coup il y en a beaucoup qui continuent à tourner avec nous, autour de nous, en fonction des projets, en fonction des demandes. Voilà. Et vos créas, alors c'est pas particulièrement autour de la comédie, il y a d'autres mondes que vous explorez ? Alors il y a d'autres mondes. Sur le jeune public, on est dans un mix entre la comédie et l'onirique. On veut emmener les enfants dans le rêve, les faire réfléchir sans les prendre pour des bebeux. On n'aime pas parler aux enfants de comment se brosser les dents et comment bien dormir le soir. Oui. On essaye de les faire rire dans des univers fantastiques. Ça avec peut être deux personnages qui sont Quack et Pantin, qui sont deux personnages qui marchent en duo, un peu comme Laurel et Hardy. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est tout écrit ou est-ce qu'il y a justement une part d'improvisation au vu d'une interaction avec les gamins ou... Alors tout est écrit, tout vient de notre travail préparatoire. Par contre on se laisse toujours une marge, on interagit en fonction des enfants, en fonction des publics. Les publics de maternelle sont les plus drôles et on agit avec eux. On avait un spectacle à Noël là récemment et ils se permettent, c'est génial de parler, de commenter, d'avoir des interactions. Du coup on prend ça et on s'en sert. Alors le parcours s'est poursuivi donc aussi autour de la comédie. Alors des pièces. Donc toi tu as écrit une pièce qui est actuellement en cours, enfin à l'affiche aussi notamment. Ouais. On en parlera tout à l'heure de Pichon. Tu te produis seul aussi. Oui. Un exercice qu'on affectionne et qui est aussi très très compliqué. Ouais. Et qui n'est pas forcément la même chose. Qui pose le regard sur ton travail? Du coup, mon frère me met en scène quand c'est moi qui joue. Il est partout. toujours partout. Et bon, on a bossé avec d'autres metteurs en scène, d'autres projets, mais c'est vrai qu'on marche très bien en duo. On se connaît depuis qu'on est gamin. On fait des spectacles ensemble depuis qu'on est gamin. Et pour me mettre en scène, c'est celui en qui j'ai plus confiance. Il connaît mes délires, mon côté barré, ma schizophrénie, et du coup on sert de tout ça dans nos spectacles, et dans ce spectacle-là en particulier, qui demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et du coup, vous travaillez en famille, donc c'est clair que ça a de nombreux avantages, mais est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce que des fois vous fritez un peu plus facilement la tête? C'est mon côté people, c'est mon côté... Non, forcément on a des prises de bec, parce qu'on n'est pas non plus d'accord sur tout, on a quand même deux univers différents, mais on est tellement raccord que c'est des prises de bec gentillettes, et qui nous font toujours avancer. C'est surtout d'accord. ça l'avantage. C'est chouette, ça. Alors David, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Hein. On va continuer à te disséquer. On peut le dire comme ça, parce qu'on va en savoir beaucoup plus. On sait que tu es un artiste complet. Et donc, on va tout au long de cette émission parler de toi, de tes activités en cours. Mais on a aussi des chroniques drôles, très drôles. Mon Dieu, qu'elles sont drôles. Parce que Dieu sait qu'on est drôles. Oui, c'est vrai. Les gens s'amusent. Est-ce que tu penses que ça suffit, les enfants. Ça suffit de mettre juste trois fois drôle dans une phrase pour l'être? Moi, je dirais d'un strict point de vue personnel. Hein. Oui. Non. Non, pas du tout. Non, pas. Est-ce que du contenu. Est-ce que tu reconnais, Bertrand, ce son? Bien sûr. C'est la seule bête qu'on a. La bête, alors je le rappelle, c'est la bande-son qu'on utilise pour cette émission, mais qu'on adore, qui est la bande-son de... Ghostbusters. Oui, tu m'aurais dit autre chose, j'aurais été très triste. Oui, je t'aurais dit les bronzés, c'est vrai que tu aurais pu me virer par la fenêtre. Alors ça n'a rien à voir avec, avec la chronique qui suit, mais j'avais envie de l'entendre, c'est celle qui m'en joue dans ce début d'émission. Et donc David, on a des chroniques loufoques, je te le disais, dont une qui est une chronique à la manière de questions pour un champion. Bien. Ok. Je suis prêt. Alors prêt. C'est la seule fois où on va parler d'humoristes connus dans cette émission. Non, on en parlera aussi tout à l'heure, mais on parle en général des acteurs de l'humour locaux. Là, on va parler de quelqu'un qui n'est pas local. Tu vas essayer de découvrir de qui il s'agit. Alors, la dernière fois, je me suis fait prendre au piège. C'est-à-dire que la personne l'a trouvé au bout de 6 secondes, ce qui fait qu'elle a complètement bouffé ma chronique. Ma vie était terminée. Il donc... était mal, et après, moi, j'ai dû le récupérer. J'ai dû le récupérer effondré. Moi, j'avais prévu autre chose cette soirée-là, et du coup, on est parti dans les bars. Ah ouais, c'était d'une tristesse implacable. Donc là, fais-moi croire que tu ne vas pas découvrir tout de suite qui c'est. Je vais laisser un peu de temps. Je compte sur Bertrand parce qu'il n'a pas une connaissance extrême des humoristes un peu juste dernièrement là, les tout petits un peu tendance là. C'est vrai, mais c'est pas super sympa de balancer ça à tout le monde. Merci. J'ai envie pour te semer un peu le doute. Vous êtes prêts les amis? Bah oui. Allez, alors comme dans toute question pour un champion, il y a ce fameux ringard, ce fameux tic tac compte à rebours ringard. Êtes-vous prêts? Ouais. Yep. Ok. À la manière de question pour un champion, regardez votre radio. En bas, il s'agit d'un indice qui est inscrit, ou peut-être du nom de votre radio, de votre poste de radio. Je suis né le 23 septembre 1976 à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise. En 2006, je participe à l'émission Incroyable Talent sur M6, où je me fais repérer par Gérard Louvain. Je marquerai la première saison de l'émission. Je reçois le premier prix du jury, ainsi que le prix du public lors du festival de l'humour de Rocancourt. J'attire un public toujours plus nombreux au théâtre Trévise pour assister à mon show. J'ai parcouru la France avec mon premier spectacle et j'ai joué mon second spectacle mystérique à partir de septembre 2011 au Petit Montparnasse à Paris. On a pu également me voir dans quelques émissions de TV, notamment dans Vivement Dimanche, dont je suis l'un des chroniqueurs. En 2013, je joue dans un épisode de la série TV comique d'Anne Roumanoff, C'est la crise, diffusée sur Comédie Plus, aux côtés d'une trentaine d'humoristes. Dans mes spectacles, je suis accompagné d'un assistant habillé en noir et persuadé d'être invisible qui s'appelle Bernard, il est joué par mon épouse australienne Calista Sinclair. Sinclair Antoine, je suis un artiste français d'un nouveau genre, humorillusionniste, je me décris moi-même, le plus grand magicien du monde par la taille et par le talent, je suis. Je vais le mettre, je trouve plus son nom. C'est lui qui fait de la magie en. Je m'excuse sur le buzzer. Je l'ai pas du tout. À votre avis? Qui est complètement taré, qui est très drôle, comment il s'appelle? C'est pas celui qui a des lunettes. Il a des lunettes, il peut friser tout ça. Mon nom peut être un prénom et mon prénom peut être un prénom. comment il s'appelle? Je crois que je vois. Je jouerai au Zénith de Nancy le samedi 14 mars 2015. Je suis Eric Antoine. Ça vous dit quelque chose? Mais oui, oh oui. Mais oui, oui. Donc, j'ai retrouvé plus le nom. Moi, je suis pas trop fan. T'es pas trop fan? Ah, me fait rire. Alors justement, Bertrand, comme tu n'es pas fan, je me pose cette question-là aujourd'hui. Alors lui, il dépoussière un genre qui est un petit peu, qui pouvait être ringard il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années. C'était la magie. On en retrouve de plus en plus des humoristes comme ça, qui, enfin des magiciens qui ont un art au départ, hein, la magie en l'occurrence, voire même des fois l'hypnose, et qui greffent cette touche d'humour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben, moi, si c'est un, alors d'un point de vue personnel, si c'est juste un spectacle de magie, je suis pas spécialement friand, mais voilà. Si c'est la magie qui est considérée comme un outil pour mettre enfin au service de l'humour, c'est vrai que ça peut être plus intéressant. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéressera plus. C'est un effet comme pourrait l'être le mime ou n'importe lequel. Si c'est un outil qui sert à la blague, c'est vrai que ça me fait marrer. Généralement, ce qu'on voit, c'est juste des numéros de magie avec juste une petite un peu d'humour autour, comme si c'était une housse rigolote. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, David, je sais pas toi ce que t'en penses, on a une palette assez large dans l'humour, et ça, il y a du sketch, il y a du stand-up, il y a aujourd'hui de la magie, j'ai même vu des manipulateurs, donc ça c'est des manipulateurs d'objets qui greffent de l'humour, il y a énormément de d'art où on y regreffe cette particularité-là. Alors, est-ce que parce que l'humour c'est tendance en ce moment? Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, là, on peut prendre aussi un magicien qui sévit là sur Canal+, s'appelle Kamel le magicien, lui qui fait du close-up. Je vais juste terminer parce que avant, je vais juste te dire, par contre, je suis toujours ouvert à être surpris. Toi, t'es pas sensible à cette. Pas nature. Enfin, ça me viendrait pas à l'esprit, voilà. Mais par contre, si je suis surpris par le truc, enfin, je veux dire, je laisse toujours la possibilité d'être surpris. Voilà. Et toi, David, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est une belle écriture humoristique. C'est le cas d'Eric Antoine. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière. C'est pas de la magie. Enfin, moi, la magie, en général, j'ai du mal. Enfin, surtout quand c'est juste une boîte, quelqu'un qui est dégoupé, un être vraiment de base. Oui. Et là, je trouve qu'il apporte. Il a l'univers. Il a le personnage. Il a l'univers. Il a l'interaction avec le public. Et du coup, les surprises de ces numéros viennent aussi de son univers, je trouve, à lui, de son écriture, humoristique. Alors moi, ce que je pense, enfin, ce qui s'y prête plus, hein, c'est pas forcément ce que tu dis, justement, les boîtes où on découpe, il y a pas forcément d'humour autour. Par contre, les numéros, alors là, en l'occurrence, comme Incroyable Talent, il y en a eu aussi certains. Il a une gueule, ce personnage-là. Il, en ce moment, je ne connais même plus son prénom. Mais par exemple, dans le cas de Kamel sur Canal+, lui fait du close-up. Donc c'est de la magie de cartes. Enfin, c'est des tours de cartes sur lesquels il greffe vraiment une personne. Un peu drôle comme ça, et c'est aussi la personne qui fait que l'art n'est pas forcément ringard. Mm-hmm. Tu vois, il y a aussi beaucoup de sa personnalité dedans. Et là, en l'occurrence, Eric Antoine est un personnage un peu foufou, un peu professeur Folding comme ça, un peu complètement allumé. Il est drôle, hein, parce que j'écoutais un de ses morceaux en vidéo tout à l'heure. Et il est drôle, il est grand, enfin, il a tout un personnage autour de ça qui fait qu'il est drôle. Et après, j'imagine qu'il y a des fois où il tape juste, hein, clairement. Je dis pas que c'est il est naze de A à Z. Oui, oui. En fait, même d'ailleurs, je suis en train de penser que oui, j'ai déjà vu des trucs de magie où justement il y a un côté théâtral super chouette. Il y a un truc, c'est de la magie parce que c'est de la manipulation. Il y a des trucs complètement absurdes. Je sais plus le nom, c'est un mec qui fait un truc avec juste une balle rouge et des gobelets. Et il a un personnage un peu tragique, un peu stupide. Et ça fonctionne. J'ai vu sur le net aussi. C'est impressionnant. J'ai plus la référence, c'est vraiment malheureux. Mais c'est dommage, mes sources. Je pense que l'humour a été dépoussiéré. La magie a été dépoussiérée par l'humour. Moi, je le pense très certainement aujourd'hui. Parce que, effectivement, on voit encore le petit truc un peu ringue dans un camping, même si c'est plus le cas. Et ça fait partie du monde de l'humour aujourd'hui. Et lui se qualifie d'ailleurs d'humour illusionniste. Donc, c'est très compliqué à dire, mais voilà. Donc, pour tout dire, qu'il joue tout simplement au Zénith de Nancy le samedi 14 mars 2015. Donc voilà, toutes les places sont en vente sur les sites habituels. On va s'écouter une petite musique, première pause musicale, il est 20h14. Tu vas me dire si tu reconnais ça, Bertrand. Oh yeah. C'est Tides of Men. Exactement, Salamanders and Worms. Et on se retrouve juste après pour Rock'n'Roll. Slash Rise of Man, Salamander and Worm sur Fadjet. Fadjet. Vous êtes à l'écoute de Rock and Roll, une émission qui traite l'humour, qui est dédiée à l'humour en Lorraine de 20h à 21h, une fois par mois sur Fadjet. Notre invité du jour est David Masson, mon chroniqueur, animateur préféré Bertrand. Et c'est le moment de partir en voyage. C'est le moment de voguer sur les mers et les océans culinaires. C'est à toi, Bertrand, de nous faire voyager. Ok, alors aujourd'hui, les gars, je voudrais agir en justicier. Je voudrais rétablir la vérité. Je voudrais redonner ces lettres de noblesse à un plat dont on a tout massacré. Je voudrais me poser en défenseur des tagliatelles à la carbonara. Ce plat très apprécié des Romains, que l'on pourrait traduire en tagliatelle charbonnière pour nous Français. Ce plat que nous, Français, avons complètement modifié dans sa progression jusqu'à le faire ressembler, dans le cas les plus extrêmes, à un genre de tartiflette aux pâtes. Donc on arrête le tir et on reprend les bases de ce plat fort simple. Désolé, je gueule un peu, mais il y a des sujets qui me tiennent un petit peu au palpitant. Alors on ouvre bien les oreilles et on retient la leçon. Pour 4 personnes. 3 œufs, très frais, c'est important la fraîcheur des œufs, parce que de toute façon c'est un truc où ils sont quasiment pas cuits. Donc si vous prenez des œufs pas frais, bah, ça sera votre digestion qui va en pâtir. Donc 3 œufs très frais, 100 g de parmesan râpé, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 gousses d'ail écrasées. Alors pour écraser des gousses d'ail, vous prenez le plat de votre couteau, vous enlevez la peau de l'ail, vous l'écrasez sur la planche à découper, et après vous émincez grossièrement. 150 g de pancetta émincée en lardons, 600 g de tagliatelle, fraîche ou sèche, c'est votre convenance, c'est toujours meilleur quand c'est frais. Et voilà pour les ingrédients. D'abord, on mélange les œufs et le parmesan dans un bol. On fouette jusqu'à obtention d'un appareil lisse et on réserve. Alors, un appareil, c'est un mélange d'ingrédients rentrant dans une préparation culinaire. Réserver, c'est mettre de côté. Voyez, on en apprend tous les jours. Mélanger l'ail, l'huile et la pancetta dans une poêle et faire cuire à feu doux jusqu'à ce que la pancetta ait rendu la majeure partie de sa graisse. Faites gaffe à l'ail, il faut surtout pas qu'il brûle. Si l'ail menace de brûler, retirez la poêle hors du feu et réchauffez rapidement quand les pâtes sont cuites. Faire cuire les tagliatelles dans une grande quantité d'eau salée et cuire jusqu'à l'obtention d'une pâte al dente. Et goûtez en réservant un peu d'eau de cuisson des pâtes, c'est super important. Donc vous réservez genre l'équivalent d'un verre d'eau de cuisson des pâtes. C'est maintenant qu'il faut être synchro. Vous remettez les tagliatelles dans un plat chaud, assez large. Donc c'est-à-dire que pour avoir un plat chaud assez large, vous pouvez le chauffer, le plat, en le mettant dans 5 minutes dans un four moyen, thermostat 120. Vous ajoutez les œufs au fromage, à savoir donc l'appareil. Vous ajoutez aussi la pancetta chaude, celle qui sort de la poêle, vous mélangez. Vous ajoutez l'eau de cuisson des pâtes et vous servez sans attendre. Vous décorez éventuellement l'assiette avec du poivre noir mouliné et une julienne de feuilles d'épinards, ce qui donnera une verdure, c'est tout à fait appétissant. Et là, l'honneur des charbonniers est lavé de l'affront que nous lui fîmes si longtemps. Bon app. Mon Dieu que c'est beau. Et en plus, vous savez que vous pouvez la décliner en version végétarienne. C'est-à-dire que vous pouvez même remplacer la pancetta par une jardinière de légumes que vous faites prenez des carottes, des poivrons, des oignons, des navets que vous faites revenir avec un peu d'ail dans de l'huile d'olive tout doucement et vous faites la même progression. C'est sublime. Tu vois, David, c'est magnifique. Ça chante. Au bout de quatre émissions, je le regarde, je vous dis que je suinte de bonheur. Je suis pur de beurre. Je suis pur de beurre. Je suis une margarine qu'on met dans un micro-ondes. Tellement c'est bon et beau. Mais parlez pas de margarine. Qu'est-ce que c'est que... Alors il faut savoir que moi par contre je suis la contre-indication de Bertrand. Je suis en termes de cuisine, je suis l'inverse. Je suis le micro-ondable. J'ai une spécialité de nuggets. Je suis le cellophane. Je suis, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois. C'est une horreur, quoi. Donc Bertrand est là pour bien évidemment contrecarrer tout ça et vous faire partager sa passion chaque mois, et on peut le retrouver pour ceux qui ont envie de l'avoir comme enseignant, comme professeur de vie culinaire, tous les samedis, je crois, bon, le cours est plein pour cette année, je pense. Ouais. À la MJC Pichon. Voilà, c'est sa particularité. Ah, bien. Et puis en plus, il s'est calé sur la musique maintenant, c'est sublime hein. Je pense qu'on peut en faire une chronique au début, je voulais l'écrire avec Camille Saint-Saëns, morceau. Enfin, je veux dire, voilà, lui, il faisait la partie violon, le carnaval des animaux, et moi, j'écrivais la partie cuisine. Mais, il est mort avant que je sois né, donc. Bah oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Allez, on poursuit cette émission, il est 20h23. Bien sûr, moi, je reviens avec la gaudriole. L'aspect un peu, là. Alors ça, c'est toujours les jingles qu'il y a dans les séries pour ados aux États-Unis, hein. Quoi? Va dans ton casier. Va chercher les bouquins de... alors, c'est pas de SVT aux États-Unis, je sais pas comment on pourrait dire, de Biologisch Alchemist. Je sais pas, Science et Vie de la Terre. Du coup. Des prénoms américains aussi, un peu, là, dans les collèges. Cynthia, Brittany. Shirley. Cynthia, Brittany. Ashley. Et le mec qui fait du foot et qui est super fort et super beau. Qui a une belle veste. Qui a souvent une belle veste avec... Voilà, Kent. Kent qui est beau, mais malheureusement, il a pris de la drogue un jour. Et ça... C'est moche. Il est rentré ivre à la fête de fin d'année. Le bal des demoiselles. Quel regard. Alors, on poursuit cette émission avec notre invité toujours et une interview un peu particulière. On veut en savoir plus sur toi, David. Donc, on a un questionnaire très technique. Mm-hmm. Très, très technique. À level. Je l'ai pioché. Je l'ai moi-même confectionné avec des hautes instances, des questionnaires type sondage IFOP et tous ces organismes-là. Alors le questionnaire se nomme « Êtes-vous un mec parfait ?» Un sombre mutin ou encore une moitié d'enflure. Voilà. C'est simple. Ok, parfait. Voilà, il évolue pareil au fil du temps. Alors, il y a des questions pièges, faites très attention. Il y en a 6, hein, c'est simple. David Masson, avez-vous déjà couché avec la copine ou la copain d'un pote? Non. Très bien. Bonne réponse. David Masson, savez-vous faire des ricochets? Non. Ah, tu vois, c'est le piège. Non, mais Bertrand, je te sens dubitatif, mais non, mais. C'est important. Qui couche avec la copine d'un pote, c'est pas grave, mais qui sache pas faire de ricochet, c'est grave. Je m'entraîne pourtant. Tu as dit que tu savais pas faire de ricochet? Non. Parce que sinon, t'aurais fait tester dans le studio. Dans le studio, merde. Ah, je m'en fous, je vais chercher une bassine de flotte. Tu me testes 3 ricochets là. Oui, voilà, on fait 3 exercices, les exercices de base de ricochet, quoi. Donc voilà. Alors, 3e question, David Masson, avez-vous déjà dit qu'il est mignon pour l'enfant d'un ami alors qu'il est aussi attractif qu'une mycose? Tout le temps. Tout le temps. Et il fait des spectacles avec les enfants. J'aime pas les enfants. Tu es gentil, tu t'appelles comment, Julien? Tu es de dos? Alors, on y va, on continue. 4e question. Dites-vous sincèrement, je suis en retard. Et pas, désolé, je viens de voir ton message, j'étais en réu. Non, je dis toujours que je suis en retard. Tu dis toujours que t'es en retard, donc tu es honnête. 5e question, David. Mettez-vous la petite barre de séparation sur le tapis de caisse bip du supermarché pour permettre au suivant de poser ses courses? Toujours. Oh là, est-ce que t'as le petit rictus de la dame qui est derrière qui te fait merci parce que sinon j'allais vous insulter? Oui, c'est ça. Ça veut dire ça en sous-texte. Hein. Y a jamais personne qui te regarde en te disant oui, mais c'est bon. Si, y a aussi le regard un peu, mais qu'est-ce qu'il a? Il a 2 secondes? Oui, ou alors. Mais non, je veux toujours bien séparer les choses. C'est ça, c'est ou alors. Mon type de regard, ça. Il met quand même beaucoup de temps à mettre la petite séparation. On va s'approcher de la caisse. Et puis après, je vais me retrouver avec un rouleau de papier toilette qui ne m'appartient pas. 6e et dernière question. Avez-vous déjà mis, peut-être, sur des événements Facebook, sachant pertinemment que vous n'irez pas? Oh oui. Voilà, voilà. Et c'est la plupart du temps, ce peut-être devrait être transformé directement en non au bout d'une heure. Exactement. Et une heure encore, c'est large. C'est vrai. Hein, voilà. Combien de peut-être, j'ai beaucoup plus de peut-être sur les événements que j'organise que de oui. Ou alors les oui de plusieurs, d'une seule même personne qui a trois comptes. C'est sympathique. Mais c'est avec ce moins peut-être. Alors rappel à tous les organisateurs de spectacles, ne faites pas de jauge de spectacle en fonction des événements Facebook. Jamais. C'est la base, c'est la base. Par contre, un petit rappel à tous les auditeurs, tout ça, qui participent à des événements. Si vous ne participez pas à l'événement, ne mettez pas oui. Oui, voilà. Il faut arrêter. Alors, faut on arrêter avec ça parce que ça, là, je pense qu'on pourrait envahir. On m'a dit dernièrement, pour essayer de se récupérer, qu'il mettait participer pour pouvoir inviter ses propres amis. Oh, les bonnes gueules. Mignon, tu mais pas. Ils le font pas, ils participent, mais ils invitent pas leurs potes. Vu qu'ils participent pas, ils s'en massent un petit peu les paupiètes. C'est totalement faux. Alors, on continue d'ailleurs cette interview un peu plus normale, dirons-nous, avec David. Est-ce que toi, tu as des humos? Alors, tu es un one man, hein, ouais. qui s'appelle On déballe tout. On déballe tout. Sous titre presque. Voilà. Que ouais. Tu as fait, là, c'est fini à la Comédie de Nancy? Ouais, j'ai joué à la Comédie de Nancy la semaine dernière, mais on va être reprogrammé en fin d'année scolaire. Ouais. Parce que ça s'est très bien passé. On a eu des très bons retours. Ce spectacle-là, c'était la troisième version, déjà, de ce spectacle. Je suis parti sur une version monologue à la base, donc qui était beaucoup plus théâtrale, parce que je viens pas du tout de l'univers du one man. Et au fur et à mesure des années, à force de grandir et d'aller voir des choses autour et de voir les nouveaux public à rencontrer, on s'est dit qu'il fallait aller plus vers eux, et c'est ce que j'ai fait sur cette version-là, qui est complètement déjantée, avec beaucoup d'accroches au public, certaines personnes qui sont montées sur scène, qui s'en souviennent encore je pense, mais voilà, donc c'est très agréable à jouer, et on va être reprogrammé à la Comédie de Nancy bientôt. Alors ça mélange du sketch, ça mélange... parce qu'il y a plusieurs personnages, on voit sur l'affiche, ouais. Notamment d'ailleurs qu'on pourra mettre en ligne sur Rock'n'Roll ton affiche, donc là il y a multi-personnages sur l'affiche. Ouais, je joue 7 personnages en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Lorenzo, et qui arrive pas à parler en public, et pour arriver à parler en public il se sert de ses personnalités. Les personnalités sont complètement barrées et apparaissent et disparaissent au gré de leurs envies. Donc voilà, je joue des personnages très différents, femmes, hommes et autres, puisqu'il y a un personnage, on ne sait pas trop ce que c'est, mm-hmm. avec une voix bizarre. Et voilà, donc ces personnages-là se mêlent dans un grand délire joyeux, mais toujours avec une pointe de mélancolie, avec toujours un fond derrière, parce que j'aime pas faire de l'humour juste pour faire de l'humour. J'aime mm-hmm. toujours aborder des sujets qui m'interpellent. Donc, oui. C'est ce que je fais avec ce spectacle-là. D'accord. Est-ce que toi, tu as des références en termes d'humour, ou d'humoriste en particulier? Eh ben, j'en ai pas beaucoup, parce que j'ai eu toujours beaucoup de mal à accrocher, mais j'ai une référence qui a toujours été la même, c'est Muriel Robin. Alors certes, je suis d'une génération un peu au-dessus, mais Muriel Robin m'a toujours fait vibrer depuis le départ, que ce soit dans ses sketchs ou dans ses derniers spectacles, parce que justement, elle arrive à mêler... son univers très sensible, ses propres histoires, ses propres coups durs, avec une écriture très ciselée, avec une faculté de prendre le public avec trois mots. Voilà, elle est incroyable, c'est une très bonne comédienne. Il va falloir qu'on se penche sur le cas Muriel Robin, parce que c'est ouais, le premier. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Marine et Romain. Exactement. Ouais. Qui eux-mêmes ont aussi une addiction à vraiment j'ai trouvé. Ouais. T'as quel âge déjà, David? 31 ans, d'accord. Et effectivement, bah, nous aussi, ça pourrait être notre génération. Bon, peut-être un peu plus jeune, parce que Muriel, aujourd'hui, est-ce qu'elle a, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce qu'elle est sur scène? Eh ben, le dernier spectacle remonte à il y a pas longtemps, c'était il y a un an et demi. Il y a un an et demi. Ouais. Et avec, justement, elle a mis longtemps à revenir, mais avec quelque chose de très personnel. C'est vraiment à voir, c'est mm-hmm. Muriel Robin, reviens de soins de soins. C'est génial. Je crois avoir vu un reportage sur elle, justement, elle avait eu une difficulté à remonter sur scène. Alors, je ne sais plus pourquoi, à ce moment-ci, mais elle l'avait exprimé, après un certain nombre d'années. Tout à fait. Et je pense qu'il y a une telle concurrence aussi, c'est compliqué. Des fois, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que je vais encore réussir à faire autant de succès que je l'ai fait avant? Et puis, il y a de plus en plus d'humoristes aussi. Plus tu retardes, ouais. Plus c'est compliqué. Ouais, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile à faire une, enfin quand tu as l'impression, moi j'ai que, enfin d'un point de vue extérieur, t'as vraiment l'impression que c'est des humoristes qui peuvent paraître dépassés de rythmiquement, enfin je veux dire qui font peut-être pas une blague toutes les 4 secondes ou tous les trucs comme ça, qui ont peut-être pas toutes les mêmes ficelles du stand-up ou ouais. Qui connaissaient pas autant d'outils et un petit peu genre un syndrome inconnu quand ils reviennent après avoir fait des films genre Les Trois Frères ou en Le plus Paris, voilà, des trucs oui. comme ça qui refont Les Inconnus, enfin Les Trois Frères, Le Retour, là, qui était un... Je crois un bide, hein, malheureusement. Oula, non, mais pire que ça, c'était un... T'es allé le voir, toi? Ouais. Oui. La carte UGC me permet de pas claquer trop de pognon. C'était atroce. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire ça. Peut-être que les anciens humoristes ont... ont du mal à revenir sur à scène. Rester sur scène, quoi. Effectivement, alors qu'ils ont tout à fait leur place et que l'humour n'est pas destiné qu'aux jeunes, et du coup de rentrer dans un travers et de vouloir faire du jeunisme absolu, et puis d'essayer d'être tu ne fais pas ton âge, enfin t'as un âge certain, puis d'essayer de faire du jeune, je pense que ça peut être le pire que tu puisses faire. Allez, les 20h30, on va s'écouter une musique et je demande l'aval de Bertrand. Accordé, System of a Down. Exactement, Kill Rock and Roll. Et on se retrouve juste après pour justement Rock and Roll. You want. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen. Every time I look in your eyes, every day I'm watching you die. All the thoughts I see in you about how I. System of a Down, Kill Rock and Roll, Rock and Roll, Rock and Roll. Mais c'est la déformation de notre émission, ça. Va pas bien, mais... Sur Fadjet. Fadjet. Alors ça, c'est justement la problématique, hein. C'est qu'à chaque fois que je prononce Rock and Roll, maintenant je prononce Rock and Roll, les gens se m'humilient en public, hein. Rient, pensent que je suis dyslexique. Te pousse dans le tram. Et donc ça devient compliqué. Du coup, on va peut-être arrêter cette émission, hein. Au bout de 4, la vie devient difficile. Allez, les 20h34 minutes, on retrouve bien notre invité David Masson qui est là avec nous jusque 21h et aussi Bertrand. Il faut savoir que Bertrand chaque mois, eh bien, il vient aussi décortiquer des spectacles qu'il va voir ou alors des vidéos ou des films. Et ce mois-ci, c'est un spectacle qui lui tient particulièrement à cœur. C'était le spectacle d'Astier. Alors, comme promis le mois dernier, mon très cher François, comme tu l'as cité juste avant, je m'étais engagé à faire un retour sur l'exoconférence de monsieur Alexandre Astier. C'est donc sans surprise que je consacre cette chronique à ce génie, n'y voyez là aucun parti pris, ce génie donc de la scène. Existe-t-il des êtres dotés d'une intelligence capable de réussir à traverser un paquet d'années-lumière pour venir nous faire un petit coucou? Qu'en est-il réellement des ovnis? Quelle est la place du savoir face à la croyance? Voici quelques-unes des innombrables questions soulevées dans ce spectacle. Toujours dans un registre humoristique, Alexandre Astier a le don de nous faire comprendre les choses, une faculté exceptionnelle à donner une dimension ludique à des enseignements. Nous découvrons au fil des siècles plusieurs anecdotes sur le rapport éternel qu'a l'humanité à l'espace, l'infini, les cieux et les divinités. Non sans humour, on se surprend à réfléchir derrière la vanne, et c'est ce qui fait tout le potentiel d'Astier qui se pose en représentant de l'intelligence, du beau et de l'harmonie. Dès le début, on sait qu'on va s'en prendre plein les paupiètes avec des séquences vidéo d'excellente qualité et une mise en scène très soignée. Tellement bluffante d'ailleurs qu'un spectateur n'a pas tenu le coup et a fait un petit malaise. Bien que je pense que ce soit plus dû à la configuration de l'espace sur dos, qui tient plus de la bétaillère que de la salle de spectacle, qu'au dynamisme, si saisissant soit-il, du spectacle du Sieur Astier. Sieur Astier qui, avec une prestance dingue, a réussi à maintenir son show tout en s'enquérissant de l'état de santé du pauvre monsieur. Un brave homme, je vous dis. Une heure et demie de spectacle qui défile sans qu'on fasse gaffe, captivé qu'on peut l'être par les propos du gars. Un type qui nous offre les armes de la dérision pour mieux nous apprendre à réfléchir, qui par le rire et une pédagogie qui lui est propre nous graisse les rouages de l'intelligence et nous invite à lever le pif vers les étoiles, pour nous permettre de relativiser un bon coup sur notre place en ce bas monde. Ce bas monde qui peut parfois être fort sympathique. Un spectacle bien plus abordable que son précédent sur Jean-Sébastien Bach, Que ma joie demeure. Mais un spectacle où il mettait en scène le personnage de Jean-Sébastien Bach, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, et c'est une des forces d'Alexandre Astier, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut avant tout, et point barre. Même si c'est à contre-courant. Et donc, même si j'ai tendance à cirer le fion à ce quidam qui m'est cher, j'ai tenté de le faire de la façon la plus objective qui soit. Alors foncez au spectacle, et si c'est trop tard, achetez le DVD, le Blu-ray, la VHS, l'audiobook, le 33 tours, le 45, qu'importe. L'important, c'est que vous ne le loupiez pas. Voilà, hein, tout est dit pour Bertrand. Je pense qu'on sait pertinemment bien qu'il adore cet auteur, cet humoriste, cet pareil, un multicasquette, compositeur, multicasquette, réalisateur, acteur, comédien, scénariste, tout ce que tu veux. Enfin, c'est un. Je sais pas quand est-ce qu'il dort, le gars. Est-ce que toi, tu monterais un jour sur scène aussi en solo, Bertrand? Je lui ai jamais posé la question, et du coup, comme j'ai David qui est là aussi et qui monte en groupe sur scène, qui monte en troupe sur scène, mais qui monte aussi en solo, est-ce que tu le ferais, toi, par exemple, est-ce que ça te donne envie quand tu vas voir un Astier? Ouais, complètement. Alors, évidemment, je sais que lui, il est loin et que moi, je débute, donc forcément, c'est sûr que... Mais ça me donne clairement envie. Là, je sais que je vais pas le faire maintenant parce que j'ai une tonne de projets et de boulot avant à faire, donc je vais déjà mettre ça au clair, et peut-être qu'après, évidemment, un one man show pour dire des trucs, bah comme disait David, hein, je pense qu'à un moment donné, quand t'es artiste, ce que tu t'as beau avoir, t'as envie de faire des blagues, mais t'as aussi envie de dire quelque chose, en fait. C'est pas le tout d'enrober juste un spectacle avec quelques blagues, mais aussi avoir un fond un peu plus fourni, avoir du contenu, en fait. Et toi, David, t'as une sensibilité pour Astier? Je l'ai découvert très très tard, oui. Il n'y a pas longtemps, honnêtement, et j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'on m'en a parlé justement de ce spectacle-là. Mm-hmm. Je suis en train de découvrir et effectivement, j'aime beaucoup. Donc, effectivement, j'ai essayé d'aller un peu plus loin parce que je trouve qu'il a, il a l'air, enfin voilà, il est à l'aise, il est impressionnant, il écrit bien, et ce spectacle-là me donne particulièrement envie. Envie d'aller le voir. Mmh. Moi, effectivement, je suis pas non plus un fin connaisseur. J'entends énormément de monde autour de moi. Peut-être c'est pour ça que je n'y vais pas. Par esprit de contradiction. J'entends. Alors peut-être parce que c'est des gens autour de moi qui sont très sensibles à son humour, à sa façon de faire. Voilà. C'est, et donc, il faudrait que je me bouscule un petit peu et puis que j'aille. Tout du moins déjà acheté peut-être son DVD, ça serait peut-être simple. Ouais. Et je sais pas quand est-ce que ça sort. Ça sortira. Ouais. Bah, en général, c'est dans la foulée, peut-être ou pas. Enfin non, peut-être pas dans la foulée de la tournée. Alors, je sais pas où il en est dans sa tournée déjà, mais en règle générale, ça tarde. Ça pas. Fait 4 mois quand même. Ouais, donc il va au moins faire une année de tournée quand même. Mmh. Donc après, voilà, peut-être voir son DVD et puis devenir aussi sensible. Après voilà, c'est juste que bon bah moi j'ai découvert avec Kaamelott, c'était le truc des vannes, mais c'est pas possible, je trouvais que c'était vraiment cool, et au-delà de ça, en fait au fur et à mesure de Kaamelott, il a réussi à faire avancer son histoire, de mettre de côté les vannes, mais de mettre beaucoup plus, de faire la sensibilité des personnages, il y a une intelligence dans l'écriture, et aussi en dehors de ça, le personnage Alexandre Astier a sur quel il est pas très présent à la télé, mais chaque fois qu'il vient parler, chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a de l'intelligence, dans son spectacle l'exoconférence, on voit qu'il met en avant le côté de la réflexion, la mécanique intellectuelle, et c'est vraiment pour ça qu'il est vraiment respectable. Son humour des fois, bon bah, c'est gentillet ou quoi, mais il a vraiment un gros truc. Voilà, donc c'était le coup de cœur de vie, hein, de Bertrand. Voilà. C'est pas seulement le coup de cœur du mois, c'est son coup non, de cœur. Non, je me suis fait tatouer sa tronche. Hein, Son nom, c'est superbe. C'est magnifique, il t'a fait ça, c'est de l'art. Alors moi, je reprends les chroniques. Bah, absurde, bien sûr. Ah, évidemment. Ah, qui va tout à fait avec ce générique, avec moi, prout prout tabalout. Expression utilisée pour la dernière fois en 97 et réappropriée aujourd'hui. Alors. Vous allez jouer tous les deux, les amis. C'est un vrai ou faux, c'est simple. Ouh. Si vous pensez que c'est vrai, attention, vous dites. J'ai mis le micro dans la tronche. Ouais. Si vous pensez que c'est vrai, vous dites. Vrai? Bien, jusque-là ça va. Et si vous pensez que c'est faux, vous dites. Je l'ai pas. Faux, je pense. Ouais, on n'a pas d'intermédiaire ici. On est blanc ou noir. Ok, c'est très manichéen ici. Alors, les amis, voilà, il y a plusieurs anecdotes et vous allez me dire tout simplement si c'est vrai. Aux USA, il a été légal d'envoyer les enfants par colis postal. Je dirais faux, mais faux. C'est et toi, États-Unis. Bertrand? Faux en ayant peur. Ouais. C'est tout à fait vrai. L'envoi des colis postaux aux États-Unis a débuté le 1er janvier de 1913 et selon le règlement, le poids des colis ne devait pas dépasser 50 livres, soit environ 23 kilos. Et il n'a pas été précisé que l'on ne pouvait pas expédier d'enfants, hein, via le Parcel Service Post. Les frais postaux revenaient beaucoup moins chers que le billet de train, ce qui a poussé certainement les parents à envoyer donc leur enfant par colis à leurs grands-parents. Par exemple, les enfants portaient des timbres postaux et voyageaient dans le compartiment du train réservé aux courriels et aux colis, accompagnés d'un facteur jusqu'à destination. Après avoir entendu parler de plusieurs cas d'envoi d'enfants par colis, le ministre de la Poste a émis à l'époque de nouvelles réglementations interdisant bien sûr cette pratique. Et notamment Bertrand, toi aussi, puis toi aussi David qui travaillait avec des enfants, est-ce que vous trouveriez pratique de recevoir les enfants dans des ateliers par exemple en colissimo avec accusé de réception? Bah, si on pouvait les faxer d'un point à un autre, ça éviterait les dangers de la circulation, bah, hein, évidemment. Beaucoup moins de plaintes des parents, parce que accident, parce que tout ça, quoi. Oui, bah voilà, genre, on se les envoie par Facebook, tiens, bah, je t'envoie Kevin, machin, hop, et puis. Et puis la Poste en prendra encore pour son grade, parce qu'on serait pas là. Ah oui, par contre, si t'es pas là le jour de la réception, c'est comment ça, tu le fais problème. Faut aller chercher un entrepôt. Un point relais qui est des fois dans un bar. Ou dans une armurerie, rue Saint-Dizier. Allez, deuxième anecdote. En cette période de la Saint-Valentin notamment, il y a une femme en Angleterre qui tombe dans le coma à chaque fois qu'elle dit je t'aime. Bah, j'ai envie de dire vrai parce que ça peut arriver. Il y a des gens qui sont pas... Peut-être qu'elle est vraiment très émotive, on va dire que c'est vrai. Et c'est vrai, Wendy Richmond, une mère dévouée qui se bat contre une maladie rare qui la met dans le coma à chaque fois qu'elle dit je t'aime. En effet, elle devient presque paralysée chaque fois qu'elle sent une émotion. Mais c'est au niveau coin que ça dérange, c'est quoi? C'est au niveau sentimental ou c'est juste au niveau syllabique, genre Bah justement, dire je t'aime provoque une forte émotion, ce qui la mettra instantanément dans un état comateux. Alors moi j'aimerais bien tomber dans les pommes à chaque fois que j'entends ma sonnerie de réveil par exemple pour aller au travail, tu vois, ou un truc comme mal. Ça. Mais donc elle tombe systématiquement dans les pommes. Ça doit être chiant quand tu l'invites au resto, un truc. Oh, ça doit être drôle même. Ouais, remarque. Il faut mieux prendre du bon côté, t'as raison. Il faut mieux prendre du bon côté. Troisième anecdote, télévision, média. L'émission Jihad's Got Talent déprogrammée après l'explosion de 6 participants. C'est une énorme déception pour la chaîne Daesh. Oui, bon, bah là, faut pas. Hein. On connaît la réponse. Ouais, voilà. Non, c'est vrai, voilà, j'ai essayé de passer un petit truc. Cinquième anecdote, le RER parisien devait s'appeler Merde. Ah, avec les lettres, il y a peut-être moyen que ça donne quelque chose, non? Allez, je dirais vrai, moi. Moi, je dirais. Pour avoir l'anecdote. Ouais, carrément, je dirais vrai. Donc, effectivement, le RER parisien devait s'appeler Merde, ce qui est terrible. Lors de son inauguration en 1970, c'est quand même un gars qui l'a découvert. Le réseau express régional, où le RER n'a pas été appelé ainsi, il s'appelait en fait le métro express régional Défense Étoile. C'est le peintre, le petit gars qui est venu en lettres, qui était chargé de faire les pancartes, à un moment donné, s'est dit du nouveau métro pour la promotion, qui a découvert que l'acronyme du MER, donc métro express régional Défense Étoile, faisait Merde. Alors aucun des responsables et des ingénieurs par contre s'en était aperçu, hein, la RATP, oh lolo, attention, et donc l'acronyme étant peu flatteur, le nom du rétro, vous l'aurez compris, fut changé en réseau express régional. Ce nom fut l'idée du peintre. Finalement, il n'y a plus le nom, mais c'est toujours pour rentrer dedans. Donc finalement, ça n'a pas changé. Imaginez-vous, le mec, c'était beaucoup plus imagé à l'époque. C'est ça. Le mec écrire un gros merde comme ça. Ah bah, mais ils sont pas pensés, disons. Je vais quand même leur passer un coup de bigot, vite. C'est un peu tard. Je vais leur passer un coup de fil. Donc, comment on est au niveau du projet? Toutes les décisions ont été finalisées ou on peut juste mettre une petite amélioration? Rappelez-moi votre paye, par contre, les gars, parce que là, vous êtes un peu payés à faire de la merde, c'est le cas de le dire, hein. Oh, mais tu dénonces, Benoît, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc c'était les 5 anecdotes vraies ou faux. Vous avez eu quasiment raison, sauf une ou deux, hein, un peu de choses près, sur la totalité. Allez, on va s'écouter un petit titre et je vais voir si Bertrand le reconnaît. Peggy. Dubois died today. Il reste un quart d'heure dans Rock and Lol. Restez avec nous et notre invité du jour. Oh, C'était Puggy, Dubois, Died Today. C'est plus qu'une radio. Alors, vous êtes à l'écoute de Rock'n'Roll. On est à l'antenne jusque 21h. Il nous reste 10 minutes encore pour profiter de David. David Masson, de la compagnie Les Bulles en Rêve, si je ne m'abuse, ou j'ai fait une erreur. Bulles de Rêve. Bulles de Rêve, pardon. Tu vois, Les Bulles de Rêve. Qui est venu nous voir aussi aujourd'hui gentiment pour nous présenter tout ce qu'il fait. Et Dieu sait qu'il fait beaucoup de choses. Et donc, on voudrait en savoir un peu plus. Alors là, tu as aussi participé donc à l'écriture, ou c'est toi qui as écrit entièrement une pièce de théâtre ? Ouais, alors j'ai complètement écrit la pièce, ça s'appelle Les Kleenex. On bosse avec une compagnie qui s'appelle La Compagnie des Piments depuis 3 ans. C'est la deuxième pièce qu'on fait ensemble. Les Kleenex, donc j'ai écrit, je joue dedans, mon frère met en scène, enfin on a commis en scène, mais c'est lui qui est sur la mise en scène maintenant. On est neuf, c'est une pièce drôle, actuelle, décomplexée, qui parle de sexualité, de relations homme-femme. Tu joues dedans aussi ? Je joue aussi dedans. Ah oui, d'accord. Ouais, on est neuf, 6 filles, 3 gars, et voilà, c'est une pièce qui tourne en ce moment, on va jouer bientôt à Pichon, à l'ancien MJC Pichon, le 28 février, et on a une petite tournée, donc ça se passe plutôt bien. C'est drôle, c'est accessible, c'est fun. C'était complet à la salle Louis Pergaud il y a peu de temps. C'était complet, on a fait les 3 premières complètes, 2 à Ludre et 1 à Pergaud, donc voilà, pour l'instant ça roule bien. Ça vise quelle tranche d'âge de public ? Alors par contre c'est une pièce adulte, faut venir à partir de 14 ans. Voilà. Pourquoi donc ? On est vraiment dans la thématique sexuelle, d'accord. Donc on aborde de différentes formes de sexualité et toutes les tendances sexuelles des femmes très à jour dans cette pièce-là. Alors ça parle pas que de ça, mais on est vraiment sur les relations, sur les rapports entre les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, enfin voilà, ça traite de tout ça en général. C'est cool. Et c'est drôle. D'accord. Donc ça c'est ta pièce écrite. Alors c'est vrai que tu fais tellement de choses. Pour la compagnie aussi, Bulles de Rêve, un spectacle pour enfants. Oui, Bulles de Rêve, on en a 3 en tournée. Donc c'est toujours avec le personnage qui s'appelle Quack. Enfin, on est 2, Quack et Pantin. Moi, je fais Quack. Quack, il parle comme ça, c'est mon personnage. Oh, voilà. Il parle comme Donald. Ouais, voilà, c'est le petit plus qui fait craquer les enfants. Pendant 1 heure, tu tiens ce... Ouais, tout à fait. Ça peut être la gorge. Pas du tout. D'accord. C'est les joues, ça se fait dans la joue, en fait. Oui, voilà, Bertrand, c'est le jeu préféré des enfants. J'ai l'impression que toi, tu fais Donald, mais écrasé par le train ou le RER. Laisse-moi le temps de trouver, je veux dire, je vais pas faire ça du tac au tac. Le mois prochain, je te parle en Donald. Le mois prochain, c'est un challenge. Voilà, donc moi, c'est encore plus pathétique. Oui, parce que ça ressemble à Flipper. Donc, à partir de là, il faut arrêter de critiquer quand on sait pas faire. Ouais, et puis moi, je m'engage derrière, tu vois, sur un truc qui n'est pas le mien, quoi. Donc, l'imitation, quoi. Donc d'accord. C'est ton spectacle pour enfants. Voilà. Alors, en fait, on en a plusieurs. C'est tout un univers décliné de Quack. Il y a le grenier de Quack qui est en ce moment aussi à la Comédie de Nancy parce qu'ils font une programmation jeune public. Donc, on y joue les 28 et 29 mars. Là, on a joué ce week-end. Donc, on a le grenier de Quack qui est plutôt pour les primaires. On a le Noël de Quack qui tourne qu'à Noël. On a les voyages de Quack. C'est un spectacle sur l'écologie autour de la mer. Et là, ça parle à tout le public. Sacré panel de spectacles. Donc, du coup, toi, tu te consacres aujourd'hui à la créa, à jouer. Tu n'as plus d'atelier de théâtre. J'ai arrêté les ateliers en fait il y a 2 ans. D'accord. J'ai donné des cours pendant 13 ans et j'ai fait énormément de pièces. J'étais basé principalement à Ludre, donc on a fait énormément de pièces à l'Espace Chaudeau avec des très gros groupes, avec de tous les âges. J'ai bossé avec des groupes de 40 à 80 comédiens. On a fait des très gros spectacles visuels, parfois à la limite de la comédie musicale, parce que j'aime mêler la danse, la musique, le chant, des choses comme ça, et le théâtre évidemment. Et puis des projets plus intimistes avec des petites pièces à 4, à 6. Voilà, j'ai un peu tout testé, mais ça prenait trop de temps. Et moi, je voulais absolument rejouer. Donc voilà, j'ai besoin de jouer avec des compagnies, de me consacrer à des projets perso, de pouvoir aborder des thèmes qui me sont chers. Et puis voilà, de m'éclater sur scène, là, retrouver le one man. Voilà, ça, ton ça one man. Du bien, quoi. Que là, qui va être reprogrammé à la Comédie de Nancy, ouais. Donc au printemps. En mai juin. En mai juin, d'accord. Fin de saison scolaire. Et puis si tout va bien ailleurs, voilà, c'est bien parti pour en tout cas. Et voilà, là, c'est. J'invite les gens à découvrir mon univers. Voilà. Alors où on peut te suivre ? Est-ce qu'on peut te suivre sur le net ? Est-ce qu'une page Facebook suffit ? N'hésite pas à donner. Alors on a une page Facebook. Enfin, il y a une adresse, l'adresse du site qui est en ce moment en restauration, mais qui renvoie sur la page Facebook. Donc c'est www.cie.bulledereve.com, bulle avec un S, c'est rêve au singulier. Et sur Facebook, il y a toutes nos infos, adultes et jeunes publics, et puis toutes les créas avec les compagnies avec lesquelles on bosse. Voilà, les projets en cours. D'accord, et donc ça c'était David Masson aujourd'hui, et on va passer aussi un peu à l'actualité eh bien qui se déroule ici localement, notamment sur Nancy en ce qui concerne l'agenda. Le vendredi 27 février, pardon, la MJC Pichon, à 20h30, les frères Chrysanthème présentent leur nouveau show humanitaire Voisins du monde. Jean-Claude et Jean-François parcourent le monde afin d'aller voir la misère là où elle est, car ces deux apôtres de la New Liturgie musique, oui, parce qu'il y a de la musique, n'ont qu'une devise: pour s'enrichir, il faut donner à l'autre. Alors c'est assez exceptionnel aussi, c'est sympathique, c'est kitschoun, c'est très drôle, donc n'hésitez pas, c'est la MJC Pichon. David vient de le dire aussi, la pièce qu'il a écrite le samedi 28 février à 20h30, Kleenex, par la compagnie Les Piments, écrite et mise en scène par la compagnie Bulle de Rêve. Donc ça aussi à Pichon, tarif unique 8€. Si vous êtes aussi intéressé par les animations drôlistiques, cette année il y a un nouveau commissaire-priseur, j'ai eu l'honneur de le jouer pendant 3 ans, au clou sans tête. C'est d'ailleurs Bertrand qui a été vendu aux enchères aussi l'année dernière. C'est Adopte à Valentin, pour fêter un petit peu différemment la Saint-Valentin, avec humour surtout. Donc le concept est assez simple. De jeunes hommes, même deux femmes qui venaient après. Mais après je voulais pas qu'on nous taxe de sexiste. Donc au départ c'était les hommes qui se mettaient aux enchères. Alors ils mettaient des petites particularités en location, comme en l'occurrence Bertrand, un cours de cuisine, je crois, qu'il doit toujours à sa partenaire qu'il a acheté chèrement l'année dernière. Et donc chacun pouvait mettre en vente son talent. Alors certains du côté du jardin, d'autres du côté de la musique, d'autres du côté du sport, voilà. Et donc les jeunes femmes achètent leur talent pour une heure, pour une semaine, pour une vie. Que dis-je ? Et tout cela pour le compte d'une association, l'association Goama, qui est une association des orthophonistes. Et donc là, c'est pour aider. Donc les pays, elles partent chaque année en voyage humanitaire dans les pays d'Afrique. Et donc ça se passe samedi 14 février. Donc ça, c'est au Clou sans tête, en place des Vosges à Nancy. Sur Metz, en termes de one man show, le vendredi fin février. Je suis heureux aussi d'y participer, à 20h30 au Capitole de Saint-Julien-les-Metz. Une pléiade d'humoristes et d'improvisateurs se réunissent pour une grande soirée humour organisée, animée par Julien Strelzik, ou Julien vers l'Olympia. Alors c'est 1000 personnes, hein, donc n'hésitez pas à venir, il y a de la place. 10 humoristes, 10 talents, 10 styles, 10 commandements. Toutes les infos sur julienverlolympia.fr ou la page Facebook de l'événement. Dimanche 22 février, Jocelyn Dailly, aussi humoriste messin, qui joue son one-man show au bar La Seine à Metz. Donc pendant plus d'une heure, avec un humour incisif et un sens de l'observation aiguisée, Jocelyn analyse la psychologie et le comportement de l'être humain. Avec en première partie nos invités d'il y a 2 mois, Romain et Marine, ou Marine et Romain, sinon elle m'arrache les yeux si je le dis dans l'autre sens. Je vois plus qui c'est, cela. Un duo d'humoristes nancéens qui sont déjà venus dans l'émission il y a 2 mois. En ce qui concerne l'impro, qui est un petit peu aussi notre cheval de bataille. Ah bah clairement. Donc mercredi 11 février, personne, mais... apéro impro, c'est à la Plantation. Alors c'est un nouveau rendez-vous, hein, mis en place par la compagnie Peps, 8 rue Raymond Poincaré, qui se déroule de la première session d'apéro impro. Le concept: à portée de quoi manger, on s'occupe des boissons et la troupe Peps de l'ambiance. Et donc ça, c'est 8 rue Raymond Poincaré. Mais au Clou sans tête, 30 place des Vosges, il y a aussi le jeudi 12 février, banc public par la compagnie Les Schizos de Vendeuvre. Le jeudi 19 février, la compagnie Tilt présente son concept. Et le jeudi 26 février, spin-off, un concept mené de main de maître par Cédric Lacroute et Thomas Dessène, mêlant vidéo et impro. Donc voilà, je pense qu'au niveau programmation jusqu'au mois de mars, on est plutôt pas mal. Alors je crois qu'il y a eu, non, on va rester là-dessus. Il y avait une alternance avec le 26 et le 5 apparemment, mais elle n'a pas encore été officialisée. Elle n'a pas été officialisée. Donc du coup, je n'ai rien dit. Donc n'hésitez pas à aller consulter tout cela sur le site du Clou sans tête. David, on te remercie d'être venu avec nous. Merci à vous pour l'accueil, l'invitation. C'est un plaisir. Donc n'hésitez pas. Moi déjà, ça y est, je fais partie de la compagnie Bulle de Rêve. J'ai déjà liké sur Facebook. Ça y est, c'est super, bon. Super, génial. Je tiens à vous dire que là j'ai le regard de Bertrand face à moi, qui le dit avec une telle fierté, me disant: tu vois, toi tu n'as pas liké sa page avant l'émission. Et il sourit, il est enchanté. C'est ça, alors que lui il fait les gros yeux. Et certainement il va me faire un croc en jambe dans les escaliers. Et ça sera avec un grand plaisir, monsieur. Ça sera avec un grand plaisir. Oui. Alors on va revoir un petit peu pareil. Non mais par contre, alors moi il faut savoir que j'adore lier les mots et les phrases. C'est une réinterprétation de la langue française. Vous pouvez aller voir ma page Facebook, qui est dotée de beaucoup de fautes d'orthographe, ainsi que de liaisons approximatives. Mais c'est un plaisir de le faire. Je sais qu'en tout cas tu l'assumes pleinement. Mais bien évidemment. Abba, Bah pas le groupe. Bernard Pivot. Non, c'est Bernard qui s'appelle. Oui. Bernard la dictée. Pivot, la dictée. Sur la dictée. Bon, tu peux dire Gérard Pivot de toute façon. C'est pas grave. Pivot, bah, pareil. Il a pas percé dans le milieu. Alors, eh bien voilà. Nous, en ce qui nous concerne pour Rock'n'Roll, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve. Que dis-je, la deuxième, le deuxième à chaque fois, hein, pour vous donner bien, bien un rendez-vous fixe. C'est le deuxième lundi de chaque mois. Donc premier. Ça doit être le 8 mars, si je ne m'abuse, ou je me trompe complètement. Ça doit être le 9 mars, non ? Le 9 mars, c'est vrai, c'est lundi 9 mars. Avec un ton belge, moi. Ça doit être le 9 mars. Ça doit être le 9 mars, puisque le mois de février est court, il y a moins de jours. Donc profitez bien de ce mois, aimez-vous les uns les autres, comme le disait la je sais pas qui, la chanson, c'est ou les amis. Non, c'est vrai ? Si, peut-être, c'est important. Un petit mot pour clôturer ? Ah bah moi je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à mon meilleur copain Spirou. Joyeux anniversaire, tout ça, il connaît la chanson, voilà. Bah oui, il connaît la chanson. Et voilà. C'était Rock'n'Roll, joyeux anniversaire. Il fait un énorme bisou sur son museau. Il fait un énorme bisou sur son museau. À bientôt. À bientôt dans Rock'n'Roll. Bon anniversaire mon vieux Spirou. Et ciao David. Salut, à bientôt. Bonne soirée ciao, à David, tous. Merci bien. Merci à vous.